Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir, toi tu pleures seul. Mais tu sais, les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, leur essence bulle. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les motos ne te touchent même plus. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue. Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir, toi tu pleures seul. Mais tu sais, les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, leur essence bulle. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les mots ne te touchent même plus. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue. Tu sais t'es belle mais tellement bête. Tu t'attaches vite, tu rêves d'une histoire de princesse. Hey, t'es comme la belle face à tant de bêtes. Tout va trop vite, l'amour fait place à la tristesse. Ouais, l'impression d'être seul, personne ne te comprend. T'es pas bien dans ta peau, fais des régimes constants. L'écriture est un linceul et t'écris ce que tu penses. L'amour tu trouves ça beau mais tu trouves pas le bon sens. Et t'arrives plus à dire je t'aime. Des relations passées, on passe de l'amour à la haine. Donc, tu prends de l'âge et plus de la peine. Tu ne fais que ressasser et ouvrir des plaies qui saignent. T'as frotté ton cœur, t'as rêvé d'un bad boy. Il a froissé ton corps, il est parti, c'est pas de bol. Et maintenant ça tes cœurs, t'évites à fond les playboy. Malgré tes efforts, tu cours comme au baseball. T'es seul dans ta chambre, tu guettes tes messages. T'en as marre d'attendre, t'as tourné tant de pages. Tu cherches un homme tendre et quelqu'un de sage. Mais qui va t'entendre, tu parles en images. Moi je vois bien que t'es perdu. Et que les hommes ont pris ta vertu. Ouais, ouais je vois bien que t'as perdu. Pour te consoler t'as que la verdure. Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir toi tu pleures seul. Mais tu sais les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, le laissent en bulle. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les motos ne te touchent même plus. Hey. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue. Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir toi tu pleures seul. Mais tu sais les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, le laissent en bulle. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les motos ne te touchent même plus. Hey. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue. Tu mets des photos sur Insta, tu cherches de l'attention. Il faut rincer l'œil des gars, mais ma belle fais attention. L'homme est comme un prédateur à l'affût de tes formes. Et beaucoup sont de bons menteurs et te prennent pour une conne. Mais t'es déjà informé, les fils de pute t'ont formé. Leurs dents sont longues, affûtées quand toi t'es paumé. Hey, garde la tête froide, vise les sommets. On gagne pas à rester sonné. On gagne pas à faire semblant d'être une fille facile pour se sentir désirée. Tu gagneras pas tout le temps, beaucoup veulent une fille docile sans pour autant être galant, tu rêves d'un amour tactile. Personne ne sait ce que t'as ressenti quand ton amour a décidé de prendre la sortie. Je sais très bien que tu nous as menti. Tu dis ça va avec le sourire mais je t'ai senti. Entre l'amour et la haine, t'as déjà franchi le pas. Le cœur est devenu noir et tu t'es tranché les veines. Des gouttes de sang sur les bras, un ange partira ce soir. Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir, toi tu pleures seul. Mais tu sais, les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, le laissent en spell. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les motos ne te touchent même plus. Hey. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue. Je sens que ton cœur est brisé. Souvent le soir, toi tu pleures seul. Mais tu sais, les hommes sont mal avisés. Ils prennent ton cœur, le laissent en spell. Ouais, t'as beaucoup de mal à faire confiance. Les motos ne te touchent même plus. Hey. Et tu commences à prendre conscience qu'aimer c'est une cause perdue.